إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله تبارك وتعالى الذي من علينا بهذا الاجتماع في هذا الشهر المبارك، شهر رمضان، الذي لا يخفى فضله ومكانته على أحد من المؤمنين، كما نطلبه سبحانه وتعالى العون والتسديد، وأن يكون ذلك نافعا لنا جميعا في دنيانا وأخرانا، وأن يكون ذلك حجة لنا ولا علينا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أما بعد، نلوم notre Seigneur عز وجل quant au bienfait qu'il nous a accordé. Parmi ces bienfaits, le fait de pouvoir nous réunir pendant ces assises du mois de Ramadan. Ces assises à travers lesquelles nous allons étudier, tirer des enseignements de livres écrits par nos grands savants de l'islam, rahimahumullahu wa hafidhallahu al-ahya'a minhum. En espérant à travers cela entrer dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il nous dit « Quiconque emprunte un chemin » à travers lequel il recherche une science, Allah lui facilitera un chemin menant au paradis. Cela étant dit, nous avons choisi pour nos assises du mois de Ramadan un livre écrit par un de nos grands savants de l'islam, qui est le noble cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah. Ce livre est intitulé « Fawa'id al-Taqwa ». Les mérites, les profits découlant de la taqwa. Dans cet épître, l'auteur, rahimahullah, va nous citer des mérites et profits découlant de la taqwa. Cela à travers la citation de versets touchant et concernant la taqwa. Donc avant de commencer, il convient de savoir et de comprendre premièrement ce qui est voulu par la taqwa, par le mot taqwa, qui va se répéter plusieurs fois, un grand nombre de fois dans ce livre. Donc, at-taqwa, en langue arabe, est tiré du mot, du verbe waqa yaqi wiqayatan. At-taqwa est tiré du verbe waqa yaqi wiqayatan, qui veut dire protéger. Donc, at-taqwa consiste en ce que le serviteur se protège, en ce qu'il mette une protection entre lui et le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela en accomplissant ses ordres et en délaissant ses interdits. Talq ibn Habib, rahimahullah, qui est un des tabi'in, la deuxième génération venue après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous dit à ce sujet, comme définition de la taqwa. Il nous dit, rahimahullah, At-taqwa, an ta'mala bi ta'atillahi ala nourin min Allahi tarju thawab Allah. Wa an tatruka ma'asiyat Allahi ala nourin min Allahi. Il nous dit, rahimahullah, la taqwa est que tu œuvres dans l'obéissance à Allah en te basant sur une lumière émanant de lui, ce qui est voulu ici par la lumière et la science, en espérant la miséricorde d'Allah. Et que tu délaisses la désobéissance à Allah en te basant sur une lumière émanant de lui par peur de son châtiment. Donc, dans la définition donnée par Talq ibn Habib, nous tirons plusieurs points. Quant au premier point, il est l'importance quant au fait que la taqwa repose et soit basée sur la science. Comme il nous dit, rahimahullah, en te basant sur une lumière émanant d'Allah. Donc il est important que celui qui souhaite emprunter le chemin de la taqwa sache qu'il ne peut y arriver qu'à travers la science. Car comme il a été dit, كيف يتقي من لا يدري ما يتقي. Comment est-ce qu'une personne peut se protéger d'une chose qu'elle ne connaît pas? Donc il est important que le croyant comprenne l'importance de la science. À ce sujet, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, d'après le sens du verset, « Fa'alam annahu la ilaha illallah wa astaghfir li dhanbik. » Sache que nulle divinité ne mérite d'être adorée en dehors d'Allah et demande pardon pour ton péché. Al-Imam al-Bukhari rahimahullah nous dit, à travers ce verset, dans son explication, Allah subhanahu wa ta'ala a commencé par la science avant la parole et les actes. Donc l'importance de la science. Deuxième point que nous tirons de la définition donnée par Talq ibn Habib rahimahullah est dans l'importance quant au fait de corriger son intention dans l'accomplissement des œuvres. Car il nous dit, rahimahullah, que tu œuvres dans l'obéissance à Allah en te basant sur une science émanant de lui, en espérant sa miséricorde. Et que tu délaisses la désobéissance à Allah en te basant sur une lumière émanant de lui par peur de son châtiment. Donc le croyant œuvre avec les actes de la taqwa et recherche à travers cela l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et recherche à travers cela sa miséricorde et recherche la protection contre son châtiment subhanahu wa ta'ala. Cela étant dit, nous commençons notre lecture bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala avec l'introduction faite par l'auteur rahimahullah qui nous dit: nous louons Allah, lui demandons aide et pardon. Nous nous repentons à lui et demandons protection contre les maux de nos âmes et contre les maux de nos mauvaises œuvres. Celui qu'Allah guide, nul ne peut l'égarer. Et celui qui l'égare, nul ne peut le guider. Et j'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah, seul, sans associé. Et que Mohammed est son serviteur et messager. Que les éloges d'Allah et son salut reposent sur lui, ainsi que sa famille, ses compagnons et toute personne l'ayant suivi de la meilleure des manières. Cela étant dit, certes, la piété, la crainte pieuse, est la meilleure des provisions que peut acquérir le serviteur pour ses intérêts mondains et religieux. Et la taqwa est que le serviteur mette une protection entre lui et le châtiment d'Allah, cela en accomplissant ses ordres et en délaissant ses interdits, pour qu'il puisse à travers cela concrétiser la servitude à Allah. Vu dans ce sens, la taqwa est donc un résumé de toute la religion. Et la taqwa a certes de nombreux profits et mérites, tant dans ce bas monde que dans l'au-delà. Nous allons donc citer, par l'aide d'Allah, ces mérites que nous avons extraits du noble Coran. Ensuite, il nous dit, rahimahullah, al-fa'idatul ula, le premier des mérites et des profits découlant de la taqwa. Annaha sababun lil-ihtida'i bil-Qur'an. Qala ta'ala, alif lam mim, dhalika al-kitabu la rayba fihi hudan lil-muttaqin. Surat al-Baqara, al-ayatu al-thaniya. Il nous dit, rahimahullah, quant au premier des profits découlant de la taqwa, il est qu'elle est une cause pour que le serviteur soit guidé par le Coran. Allah nous dit: voici le livre dans lequel il n'y a aucun doute, qui est une guidée pour les pieux. Qui est une guidée pour les pieux. Donc nous voyons dans ce verset qu'Allah subhanahu wa ta'ala a restreint la guidée du Coran aux pieux. Cela alors qu'à d'autres passages du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé que la guidée du Coran était générale pour tous les gens. Cela comme dans sa parole lorsqu'il nous dit subhanahu wa ta'ala, le mois du Ramadan dans lequel fut descendu le Coran comme guidé pour les gens. Donc ici, hudan linnas, comme guidé pour les gens. Et dans notre verset, hudan lil muttaqin, une guidée pour les pieux. Donc cette différence entre les deux versets, car comme nous le dit les gens de science, rahimahumullah, wa hafidhallahu al-ahya'a minhum, la guidée voulue par le Coran est de deux types. Donc on voit dans ces deux versets qu'une des guidées a été généralisée pour tout le monde et l'autre a été citée et restreinte aux pieux. Donc cela car la guidée dans le Coran est de deux types. Quant au premier type, il est appelé Hidayatud Dalala. Hidayatud Dalala, cette guidée consiste à montrer le chemin au serviteur, à éclaircir la vérité, à leur permettre de discerner entre le vrai et le faux, le bien et le mal. Cette guidée n'implique pas forcément qu'Allah subhanahu wa ta'ala assiste le serviteur pour qu'il emprunte ce chemin. Elle implique simplement qu'Allah subhanahu wa ta'ala montre le chemin de la vérité au serviteur. Cette guidée-là est générale pour tous les gens. Et c'est celle qui est voulue par le verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous informe que le Coran est une guidée pour les gens. Quant à la deuxième des guidées, elle est appelée Hidayatut Tawfiq. Cette guidée consiste en plus de montrer la vérité au serviteur, elle implique qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'assiste et lui permette d'emprunter ce chemin-là. Et cette guidée-là, c'est celle-ci qui est voulue par la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il nous dit, à propos du Coran, annahu hudan lil muttaqin, qu'il est une guidée pour les pieux. Donc les pieux ont droit à la guidée complète, celle qui implique la science et les œuvres. Donc Allah subhanahu wa ta'ala leur montre le chemin de la vérité, et en plus de cela, il les assiste pour leur permettre d'emprunter ce chemin. Cela selon leur degré de taqwa. Et cela car elles ont apporté la cause menant à cela, qui est comme Allah nous l'a cité, at-taqwa. Donc le mérite du muttaqi ici est qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui permette de tirer profit de la guidée du Coran. Alors que la première des guidées, l'hidayatul dalala, celle qui n'implique pas l'assistance d'Allah subhanahu wa ta'ala pour œuvrer avec le Coran, celle-ci, qui est générale pour tous les gens, alors si jamais elle n'est pas accompagnée de la deuxième des guidées, c'est-à-dire que si jamais le serviteur n'a pas en plus de cela l'hidayatul tawfiq, alors cela sera une preuve contre lui, yawm al-qiyama. Car la vérité lui est parvenue, mais il n'a pas œuvré avec celle-ci. Cela, car Allah subhanahu wa ta'ala ne l'a pas assisté. Car il n'a pas apporté la cause permettant d'avoir l'assistance d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est la taqwa. Donc on voit à travers cela l'importance de la taqwa, et l'importance que le serviteur doit œuvrer avec ce qu'il connaît. Doit accourir à faire partie des muttaqin, pour avoir bi'idhnillah tabaraka wa ta'ala, cet immense mérite et profit, qui est de tirer profit de la guidée du Coran. De plus, on voit dans ce verset qu'Allah subhanahu wa ta'ala a cité la guidée sans nous préciser vers quoi le serviteur sera guidé. C'est-à-dire qu'il n'a pas dit subhanahu wa ta'ala que le Coran est une guidée pour les pieux dans ce qui concerne les fondements de la religion, ou bien les branches de la religion, ou bien les comportements, ou bien les profits mondains, ou bien les profits religieux. Non. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a laissé le verset dans un sens global, général. Cela a un but. Le but ici est que ce verset-là englobe tout ce qui a été cité, et plus encore. Donc que le verset reste général. Donc toutes les guidées à travers lesquelles le serviteur peut avoir un profit mondain ou religieux sont voulues par ce verset-là. C'est-à-dire qu'il aura une guidée vers ses intérêts religieux et mondains. Que ce soit des fondements de la religion, de la croyance, des actes, des comportements, des intérêts mondains, tout cela est englobé et cela est voulu par le verset. Alors que celui qui n'aura pas la taqwa sera privé de tirer profit de la guidée du Coran. Cela selon ce qu'il aura délaissé comme taqwa. Et à l'inverse, plus le serviteur aura accompli les actes de la taqwa, plus sa guidée sera générale et plus Allah subhanahu wa ta'ala lui augmentera son profit du Coran. Ensuite, l'auteur nous dit, rahimahullah, al-fa'idatu thaniya, le deuxième des profits et intérêts découlant de la taqwa. Annaha sababul falah, qala ta'ala, wa ula'ika humul muflihun. Suratul Baqara, al-ayatul khamisa. Il nous dit, rahimahullah, deuxième des profits et intérêts tirés de la taqwa est qu'elle est une cause de réussite. La taqwa est une cause de réussite. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, d'après le sens du verset, et eux seuls auront la réussite. Surat al-Baqara, verset numéro 5. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous informe, après avoir cité les caractéristiques des pieux, des muttaqin, et nous dit, et eux seuls auront la réussite. Ce qui est voulu par la réussite, al-falah en arabe, est le fait d'obtenir tout ce qui est demandé, et d'être sauvé et préservé de tout ce que l'on craint. Al-falah consiste à ce que le serviteur obtienne tout ce qu'il demande et il recherche, et qu'il soit préservé de tout ce qu'il craint. Donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala a restreint la réussite, la réelle réussite aux pieux. Cela car ce sont eux qui ont apporté les causes menant à la réelle réussite. Et on comprend à travers cela que quiconque n'emprunte pas le chemin de la taqwa et le chemin des muttaqin, alors il emprunte un chemin qui le mènera à la perte, la perdition et la tristesse. Quant à la troisième des faïdas, l'auteur nous dit, rahimahullah, annaha sababun lil intifa' bil mawa'id, قال تعالى: فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. البقرة الآية 66. Donc il nous dit, rahimahullah, quant à la troisième des faïdas, elle est que la taqwa est une cause pour que le serviteur tire profit des exhortations. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, d'après le sens du verset, et nous fîmes de cela un châtiment exemplaire pour les villes qui les entouraient et les générations à venir, et une exhortation pour les pieux. Et une exhortation pour les pieux. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, après avoir cité le châtiment à travers lequel il a châtié une partie de Bani Israël, des enfants d'Israël. Cela car ils ont transgressé quant au jour du Sept, le Sabbat. Allah subhanahu wa ta'ala nous cite dans le Coran qu'il a éprouvé une partie de Bani Israël par le fait de leur ordonner de délaisser la pêche le jour du samedi. Il nous dit subhanahu wa ta'ala dans ce récit qu'il a fait cela pour les éprouver car ils étaient des gens pervers. Et il nous dit aussi subhanahu wa ta'ala qu'il a fait comme épreuve le fait que les poissons venaient à eux le jour du sept, le jour du samedi, en abondance. C'est-à-dire le jour où il leur a été interdit de pêcher. Alors que les jours où il était permis pour eux de pêcher, les poissons ne venaient pas avec une telle abondance. Et Allah subhanahu wa ta'ala, après leur avoir ordonné cela, et après qu'ils aient transgressé, et après qu'une partie d'entre eux les ait exhortés et blâmés quant à ce qu'ils faisaient, Allah subhanahu wa ta'ala les a châtiés. Le châtiment avilissant. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à ce sujet. Et nous leur avons dit, soyez des singes abjects. Donc Allah subhanahu wa ta'ala les a transformés en singes. Et après cela, il nous dit subhanahu wa ta'ala, nous fîmes de cela, donc du châtiment par lequel ils ont été touchés, un châtiment exemplaire pour les villes qui les entouraient, et pour les générations à venir, et une exhortation pour les pieux. Donc on voit dans ce verset qu'Allah subhanahu wa ta'ala a restreint l'exhortation du Coran aux pieux. C'est-à-dire que ce sont eux qui profiteront réellement de cette exhortation, de ce châtiment-là. Ce sont eux qui comprendront ce qui est voulu à travers cela. Eux qui auront leur cœur pris de peur après avoir entendu ces récits et qui comprendront que ce qui est voulu par cela est le fait de les mettre en garde quant au fait de persister dans la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'auteur nous dit, rahimahullah, dans l'explication de ce verset, que cela vaut aussi pour ce qui peut avoir de nos jours comme signe d'Allah subhanahu wa ta'ala. À titre d'exemple, comme secousse, ou bien éruption volcanique, ou tremblement de terre, ou forte tempête, tout cela sont des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala dont ne profitent que les pieux. C'est-à-dire que lorsqu'ils vont voir ces signes-là, ils vont les imputer à Allah subhanahu wa ta'ala et comprendre qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut à travers cela les mettre en garde, à travers cela leur montrer qu'il est dur en châtiment, à travers cela les inciter à se repentir. Alors que ceux qui auront les cœurs endurcis ne profiteront pas de ces signes. Et bien au contraire, il nous dit, rahimahullah, que certains d'entre eux vont imputer ces actions-là à la nature, en oubliant que celui qui a décrété cela est Allah subhanahu wa ta'ala, et donc ils ne tireront pas profit de ces signes. Et certes, parmi les profits que nous avons dans ce récit, premièrement, l'importance d'ordonner le bien et d'interdire le blâmable. Car Allah subhanahu wa ta'ala dans ce récit nous informe par la suite qu'il a sauvé et préservé du châtiment ceux qui interdisaient le blâmable. C'est-à-dire que lorsque une partie des enfants d'Israël ont transgressé, ont accompli cette ruse, ils se sont divisés en trois catégories. La première des catégories, premier des groupes, qui est la majorité, ceux qui ont transgressé. Quant au deuxième, ceux qui ont délaissé cet acte-là et ont détesté cela, sans blâmer les transgresseurs de manière ouverte. Quant à la troisième des catégories, le troisième des groupes qui est le meilleur, ce sont ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a cités dans le Coran. Il nous a informé qu'il les a sauvés du châtiment. Ce sont ceux qui ont blâmé ces gens-là de manière ouverte et qui leur ont interdit de faire cela. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a cités en particulier pour nous montrer le rang qu'ils ont et l'importance de l'acte qu'ils ont accompli. Donc le fait de blâmer le mal et d'ordonner le convenable. Donc cela est une cause pour que la personne soit préservée du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بأن نكون من المتقين من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وسبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك